Si j'ai le cœur gelé, je n'ai que l'hiver comme saison. Un jour je m'exilerai parmi les hommes de raison. Loin des bonheurs factices, des sourires superficiels, j'irai contempler le ciel. Loin des lumières artificielles, besoin de me rapprocher en prenant de la distance. Besoin de m'absenter pour retrouver ma présence. Parfois on doit s'en aller, voyager vers soi-même. J'ai envie de me laisser aller, je verrai bien où ça mène. Loin d'ici, loin du flou, loin de vous, mais près de moi. Je serai en vie, je serai debout, loin des fous. J'ai le choix, les poches vides, le cœur plein, sans un sou. Je serai meilleur, le malheur est rigide, le bonheur est ailleurs. S'il faut que je trace pour trouver ma place, tout commence à l'intérieur pour mieux repartir ailleurs, recommencer ailleurs. Il faut que je trace pour trouver ma place, tout commence à l'intérieur pour mieux repartir ailleurs, recommencer ailleurs, ailleurs. Je veux faire de la roue, je veux faire des kilomètres, je veux pas rester toujours, mais je veux partir peut-être. Sûrement qu'à l'horizon, je vais trouver ma maison. J'attends juste le prochain avion, je suis ma seule destination. Je suis mon soleil, je suis mon île, je suis le désert derrière la ville. Je marche seul à travers la plaine. Je ne savais pas ce que je cherchais avant de me trouver moi-même ailleurs. S'il faut que je trace pour trouver ma place, tout commence à l'intérieur pour mieux repartir ailleurs, recommencer ailleurs. Il faut que je trace pour trouver ma place, tout commence à l'intérieur pour mieux repartir ailleurs, recommencer ailleurs. Si même l'air te manque, t'aperçois pas les étoiles. Mais pourquoi jeter l'encre où tes espoirs ont mis les voiles? On court dans tous les sens, mais tout semble figé. On attend que les choses changent comme s'il suffisait de l'exiger. Tout ce qu'ici te refuse, ailleurs te le promet. Ici on juge, on t'accuse, ailleurs personne ne te connaît. Personne ne te regarde, tu pourras être toi-même. Prendre un nouveau départ, viens, je t'emmène ailleurs. S'il faut que je trace pour trouver ma place, tout commence à l'intérieur pour mieux repartir ailleurs.